À l'occasion de l'anniversaire de la libération de la Corée, Mahmoud Abbas, président palestinien et président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, a fait parvenir le 15 courant un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a apprécié haut les relations historiques d'amitié entre les deux pays et peuples et a affirmé de développer ces relations basées sur la coopération commune. Il a formulé sa reconnaissance profonde pour le soutien absolu du maréchal Kim Jong-un à la lutte du peuple palestinien pour la fin de l'occupation et la fondation d'un État indépendant dont la capitale sera Jérusalem-Est, qui sera une ville de la réconciliation, de la coexistence, du respect mutuel et du bon voisinage. Finalement, il a souhaité santé et bonheur au maréchal Kim Jong-un.